garment of righteousness is that whoever wears this garment. L'autorité de ce vêtement de justice est que n'importe qui porte ce vêtement, he will not blot out their names from the book of life. Il n'effacera pas son nom du livre de vie. Ah! Again, let me repeat this. Ah! Encore, laissez-moi le répéter. He says, whosoever maintains that fine linen, he says there. Il dit que quiconque qui maintient ce fin lin, il le dit là. He will not blot out their names from the book of life. Il n'effacera pas son nom du livre de vie. Meaning, the only way to sustain your name in the book of life of the Lamb of God. Ce qui veut dire, la seule manière de conserver votre nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Is to wear finest linen, bright and clean, was given her to wear. Et de porter le lin le plus fin, éclatant et pur, qui lui a été donné pour se vêtir. What an authoritative garment I have brought. Combien digne de foi est le vêtement que j'ai amené. He's now saying, il dit maintenant that shout, fine linen, que ceci crie fin lin, bright and clean was given her to wear. Éclatant et pur lui a été donné pour se vêtir. And those who wore it, they entered, they were redeemed. Et ceux qui étaient écrits, ils sont entrés, ils étaient rachetés. The redeemed church. L'église rachetée. And now we are seeing the redeemed church. Et maintenant nous avons vu l'église rachetée. Meaning, there is now a book. Signifiant qu'il y a maintenant un livre. This garment, when you keep it clean, is able to sustain your name in that book. Que ce vêtement, si vous le gardez propre, il est en mesure de conserver votre nom dans ce livre. Which book is this? De quel livre s'agit-il? Here. Ici. If you want to practice as a lawyer, si vous voulez pratiquer comme avocat, there is the law society. Il y a une loi de la société. They have to pass you through their test and whatever and everything. Ils doivent vous faire passer des tests et quoi que ce soit, ou toute chose. And then license you. Et ensuite, vous donner une licence. And when they license you, et quand ils vous donnent la licence, there is a ledger. Il y a un grand livre. A register. Un registre. A book that is a list, contains a list. Un livre qui contient une liste. Of all the lawyers who are licensed in this republic. De tous les avocats qui ont une licence dans cette république. Who are allowed to practice law. Qui ont la permission de pratiquer comme avocat. I'm now beginning to talk about the authority of this garment. Je commence maintenant de parler de l'autorité de ce vêtement. In sustaining your name. En maintenant votre nom. In God's ledger. Dans le registre de Dieu. There is a book the Lord has authored up there. Il y a un livre que le Seigneur a écrit là-haut. That has a list of people. Qui a une liste de gens. And I'm going to tell you who these are. Et je vais vous dire de qui il s'agit. This is the list of the righteous. C'est la liste des justes. This is the list of the citizens of heaven. C'est la liste des citoyens des cieux. I love this garment. J'aime ce vêtement. Hey! Hey! He's saying, il dit, when you sustain this garment, quand vous maintenez ce vêtement, it is able to sustain your name. Il a la capacité de maintenir votre nom in that list. Dans cette liste. Saying, I will not blot out their names from the book of life. Qui dit, je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Hey! Hey! Today. Aujourd'hui. You'll understand the authority of righteousness in the church. Vous comprendrez l'autorité de la justice dans l'église. And you'll never preach anything else. Et vous ne prêcherez plus jamais autre chose. You'll go and prepare a righteous people unto the Lord. Vous irez et préparerez des gens justes dans le Seigneur. Beginning with your family. En commençant par votre famille. Look now, that if you want to come and practice medicine. Voyez maintenant, si vous voulez venir et pratiquer la médecine, they will examine your certificates. Ils examineront vos certificats. They will call the medical schools you say you have been to. Ils appelleront les écoles médicales où vous dites que vous avez été. They will establish. They will pass you through an exam. Ils établiront. Ils vous feront passer un examen. And then they give you a license. Et ensuite, ils vous donnent une licence. For the lawyers. Pour les avocats, there are some meetings you have to do, at least for Kenya. Il y a certaines réunions que vous devez faire, comme au Kenya. Some meetings you have to do once a year. Des réunions que vous devez faire une fois par année. Every year there are refresher courses for the lawyers. Chaque année, il y a des cours de recyclage pour les avocats. And you get credits. Et vous êtes reconnu. And those credits, when you get them, et cette reconnaissance, quand vous l'avez, they are able to sustain your name. Elle a la capacité de conserver votre nom in the register of lawyers. Dans le registre des avocats. For the doctors, same thing. La même chose pour les docteurs. There are those refresher conferences. Il y a ces conférences de recyclage, and so forth that you do, you get credit hours. Etc. Quand vous le faites, vous obtenez d'être reconnu. To sustain your name. Pour maintenir votre nom in the list of doctors allowed to practice. Dans la liste des docteurs qui ont le droit de pratiquer. And now for the kingdom of God. Et maintenant, pour le royaume de Dieu, we hear that there is a book. Nous entendons qu'il y a un livre. Let us look at Exodus 32:32. Voyons Exode 32:32. Let us look at this book. Who authored this book? Voyons ce livre. Qui est l'auteur de ce livre? Exodus 32:32. Exode 32:32. Exodus 32:32, precious people. Exode 32:32, précieuses personnes. There is a book. Il y a un livre. It says. Il dit. But now. Mais maintenant. Please forgive their sin. S'il te plaît, pardonne leurs péchés. If not, then blot me out of the book you have authored up there. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit là-haut. You have authored a book up there, I'm aware. Tu as écrit un livre là-haut, je le sais. Please forgive these people. S'il te plaît, pardonne à ces gens. If you don't forgive them, I know you are going to blot their names out of that book. Si tu ne leur pardonnes pas, je sais que tu vas effacer leur nom de ce livre. Of the book you have shown me, which you have authored up there. Du livre que tu m'as montré, que tu as écrit là-haut. Hey! The authority of the garment of righteousness. L'autorité du vêtement de justice. In the church. Dans l'église. So he says. Donc il dit. That there is a book. Qu'il y a un livre. He says, when you maintain your garment fine linen, bright and clean was given her to wear. Il dit, quand vous maintenez votre vêtement fin lin, éclatante et pure, qui lui a été donné pour se vêtir. When you maintain that. Quand vous maintenez ça. Without stain. Sans tache. Then that, the authority of that garment. Alors, cela, l'autorité de ce vêtement is able to sustain your name a la capacité de conserver votre nom in the book of life, dans le livre de vie God the Father has authored up there. Que Dieu le Père a écrit là-haut. Can we look at the church? Pouvons-nous voir l'Église? Can we look at the church that has not maintained her garment? Finest linen, bright and clean. Pouvons-nous voir l'Église qui n'a pas gardé son vêtement, le lin le plus fin, éclatant et pur? And see the consequence, just like with the sacrifice. Et voir les conséquences, juste comme pour le sacrifice. Look at Malachi. Voyons Malachi. And see the consequence of the blemished sacrifice. Et voyons les conséquences d'un sacrifice souillé. When the Lord promises to strike them, où le Seigneur promet de les frapper, so it is here. Ainsi en est-il ici. Can we look at the consequences of not having a clean garment? Pouvons-nous voir les conséquences de ne pas avoir un vêtement propre? And then be able to understand. Et ensuite être capable de comprendre the significance and gravity, la signification et la gravité of what this garment brings to the church, de ce que ce vêtement amène à l'église. So can we look at the blotting out of your name that he talks about here? Donc, pouvons-nous voir l'effacement de votre nom dont il parle ici? The blotting out. Notre nom effacé. What happens to the church or a nation whose church did not prepare her? Qu'est-ce qui arrive à l'église ou à une nation que l'Église n'a pas préparé. And then their names were wiped out of the book of life. Et ensuite leurs noms sont balayés hors du livre de vie. Alléluia. Alléluia. Let's look at Revelation chapter 13 verse 8. Voyons Apocalypse chapitre 13 verset 8. Revelation 13 verse 8. Apocalypse 13 verset 8. Alléluia. Alléluia. This is what it says. C'est ce qu'il dit. All the inhabitants of the earth will worship the beast. Tous les habitants de la terre adoreront la bête. All whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie qui appartient à l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. So he's saying, donc il dit that if your name will be blotted out of the book of life, que si votre nom est effacé du livre de vie, the failure to sustain fine linen, pour avoir manqué de maintenir le fin lin, bright and clean was given her to wear, éclatante et pure qui lui a été donnée pour se vêtir, the failure to sustain the garment, pour manquer de maintenir le vêtement, and your name is blotted out, et votre nom est effacé. Then he says, ensuite il dit, you will worship Satan, vous adorerez Satan. However much you love Jesus, quel que soit votre amour pour Jésus, you will be a devil worshipper. Vous serez un adorateur de Satan. He says it there. Il le dit là. Hallelujah. Hallelujah. You love Jesus. Vous aimez Jésus. But he says, mais il dit, you have to worship the devil then. Vous devrez adorer le diable alors. If your name will be blotted out, si votre nom est effacé, you become a devil worshipper. Vous devenez un adorateur du diable. And who wants to do that? Et qui désire le faire? Can we read Revelation 17:8? Pouvons-nous lire Apocalypse 17:8? Revelation 17:8. Apocalypse 17:8. He says here. Il dit ici. The beast which you saw once was, now is not, and will come up out of the abyss. La bête que tu as vue une fois était, maintenant n'est plus. Et elle sortira de l'abîme and go to his destruction. Et ira à sa destruction. The inhabitants of the earth whose names have not been written in the book of life. Les habitants de la terre dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie. From the creation of the world. Dès la création du monde. Will be astonished when they see the beast. Seront étonnés lorsqu'ils verront la bête. Because he once was. Now is not, and yet will come. Parce qu'elle était une fois, maintenant elle n'est pas, et elle reparaîtra. As you can imagine, some of you know, comme vous pouvez l'imaginer, certains d'entre vous le savent. The Lord has spoken to me extensively. Le Seigneur a parlé avec moi en profondeur. About the events after the church is taken away. Sur les événements après que l'église ait été enlevée. I know quite so much, and that's why I was saying, j'en sais beaucoup. C'est pourquoi je disais, don't worry about them. You just focus on entry. Ne vous en faites pas de cela. Concentrez-vous juste sur l'entrée. I have seen so much of what will happen after this dispensation. J'en ai vu tellement à propos de ce qui arrivera après cette dispensation. So much, including recently, and I went live on air. Tellement, incluant récemment où je suis allé à la radio. When he presented the beast, quand il a présenté la bête that had those seven heads, qui avait ses sept têtes. And then the drama is amazing. The unfolding is very amazing because, et ensuite le drame est étonnant. Le déroulement est vraiment étonnant parce que, then when that woman come, ensuite quand cette femme vient, the beast lies down, la bête se couche, and what amazed me is that, et ce qui m'étonne est que, he first greets her, d'abord elle la salue, with his front legs like this, she does this, avec ses pattes de devant comme ça, elle fait cela, and the beast touches their hands, et la bête touche les mains, with his front legs, avec ses pattes de devant, of that woman. I see him greet now the woman, de cette femme. Je la vois saluer maintenant la femme. And then he also lies down so that she may climb and sit. Et elle se couche aussi pour qu'elle puisse grimper sur elle. And then gets up. Et ensuite se lever. And then she rides that beast. Et ensuite elle chevauche cette bête. There are some events after this. Il y a des événements après cela. That you don't want to know. Que vous ne désirez pas savoir. There are some events and there's some serious action after this. Il y a quelques événements et quelques actes sérieux après cela. So you don't want to get involved in that. Donc, vous ne désirez pas être impliqué là-dedans. But I've seen tremendous and a lot of it. Mais j'en ai vu d'extraordinaires et beaucoup d'entre eux. But anyway, mais de toute façon, there is some real conflict. Il y a quelques conflits réels. A clash. Un choc. That takes place after the church is taken away. Qui a lieu après que l'église soit enlevée. And so much, I know so much. Et tellement, j'en sais tellement. So really much, so much. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup. Because he normally puts me in that time and then I live there and see a lot of things. Parce qu'il me met normalement en ce temps et je vis là et je vois beaucoup de choses. Sometimes you don't want to know. Que quelquefois vous ne désirez pas savoir. You just tell them, please enter. Et juste leur dire, s'il vous plaît, entrez. That's why he puts it at the entrance. C'est pourquoi il met cela à l'entrée. And says, go tell them just to enter like this. Et il dit, va leur dire de juste entrer comme ça. Not to say, oh, I will try that time, I will survive what and so forth. Et ne pas dire, oh, je veux essayer cette fois, je survivrai et quoi d'autre, etc. But he's saying. Mais il dit. That the beast that once was. Que la bête qui était une fois. No more and comes out from the beast. N'est plus. Et vient encore de la bête. The same beast. La même bête. He says, you like it or not, you worship the devil. Il dit, que vous le vouliez ou pas, vous adorez le diable. If your name is blotted out. Si votre nom est effacé. I'm just talking about the power and the authority of righteousness in the church. Je parle juste du pouvoir et de l'autorité de la justice dans l'église. That if you sustain your garment, fine linen. Que si vous maintenez votre vêtement fin lin, bright and clean, éclatant et pur, was given her to wear, qui lui a été donné pour se vêtir, he says, you will not worry about this. Il dit, vous ne vous en ferez pas à propos de cela. The others will worship the beast. Les autres adoreront la bête. To worship the devil. More scriptures you can write. Adoration du diable. Vous pouvez lire plus de textes. Revelation 20:12. Apocalypse 20:12. If your name is blotted out. Si votre nom est effacé. Revelation 20:15. Apocalypse 20:15. Revelation 21:27. Apocalypse 21:27. The authority of the garment of righteousness. L'autorité du vêtement de justice. In the church. Dans l'église. So he says. Donc il dit. That there is a book. Qu'il y a un livre. He says, when you maintain your garment fine linen, bright and clean was given her to wear. Il dit, quand vous maintenez votre vêtement éclatant et pur qui lui a été donné pour se vêtir. When you maintain that. Quand vous maintenez cela without stain, sans tache, then that, the authority of that garment, alors cela, l'autorité de ce vêtement is able to sustain your name, est en mesure de maintenir votre nom in the book of life, dans le livre de vie God the Father has authored up there. Que Dieu le Père a écrit là-haut. Oh, isn't that powerful? Est-ce que ça n'est pas puissant ?